Page 79. Activité 7. Piste 69. Je regarde la télé. Je visite l'école. J'ai cours le jeudi. J'ai français le matin. J'aime le sport. J'aime les maths.